طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فأولا نعتذر عن التأخير الليلة وعن عطالة الدرس في يعني التفسير في التفسير وكذلك في البخاري. Donc tout d'abord on s'excuse pour le retard qu'on a eu et aussi pour avoir annulé les cours de la journée. فكما يعرف البعض منكم جاءنا ضيف جديد وهو ولد أخي إسماعيل فحصل لي شيء من الاختباط في البرنامج. Donc comme vous savez, mon frère Ismaïl, il a eu un fils aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui a chamboulé un peu le programme de la journée. فَنَعْتَذِرْ إِلَيْكُمْ مِنْ دَالَكُ. Donc, on vous présente nos excuses pour ce retard et pour l'annulation des durous de la journée. فَنَحْنُ وَاللَّهِ مَا نُحِبْ أَنْ يَفُوتُنَا دَرْسًا وَاحِدًا. وَاللَّهِ. ونعتقد أن البركة في الاستمرار. ها؟ البركة في الاستمرار. كلما استمرنا في درس كلما حصلنا على ازدياد من البركة. إذنك الله سبحانه وتعالى يعلم. Il sait qu'on n'aime pas louper un درس et on n'aime pas كذلك venir en retard. لكن بعض الأحيان يحصل ظروف وأشياء ما كنا نتوقع، فالحمد لله على كل حال. Donc نعم، il y a certains moments par exemple on peut avoir des empêchements imprévus et c'est ça qui provoque que soit on annule un dars ou soit on le retarde. نعم. وكذلك مما يذكر في هذه الليلة أننا نحمد الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى اختارنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقهه في الدين. Celui à qui Allah سبحانه وتعالى veut du خير, il lui enseigne la religion. فكما تعلمون في هذه الليلة الشياطين كثيرون في الشوارع ولهم يعني عيد أو شيء من السفه يعني كما تعلمون كم بسافة نويلة يعني الشياطين كي سوا إنس وجن اسمني فست encore plus parce que c'est leur fête الباطلة نعم المكذوبة c'est une fête qui est mensongère يعني على كل حال فتن. فهي ليلة يحصل فيها فتن كثيرة. Donc c'est une nuit où il se produit beaucoup de فتن, beaucoup de troubles. فإذا اختارنا الله عز وجل في مثل هذه الليالي لطلب العلم فهذا فضل. علينا أن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى اختارنا. وإلا لولا الله ربما لكنا في الشوارع ولكنا في يعني غفلة ولا كنا في معصية. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas choisi, il se peut qu'on serait dans une autre situation. Il se peut qu'on soit dans les rues actuellement, il se peut qu'on soit يعني dans une ghafla, dans une insouciance encore pire que يعني celle qu'on peut être amené dans laquelle on peut être amené à être. نعم. فنحمد الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. Et il n'y a pas un bienfait qui vous vient sans qu'il ne provienne d'Allah عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Et si et Allah سبحانه وتعالى il dit que si vous le remerciez il va vous rajouter. فنعم يا عباد الله هذه الأمور لا بد أن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى وفقنا توفيقا عظيما. كالله سبحانه وتعالى نزا vraiment honoré par ce genre de majalis al-ilm. وانتم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العباده في الهرج كالهجره الي. L'adoration dans en période de trouble comme là est équivalente ou est équivalable à la hijra vers moi. Fa ay ibadatin a'zam min talab al-'ilm. طبعا بعد الفرائض. Et donc comme vous le savez aussi, il n'y a pas une adoration meilleure que talab al-ilm, bien sûr, بعد الفرائض. فنعم هذا يعني من باب الذكر نعم بما أنعم الله علينا نعم. طيب وبالنسبة إلى ما أخذنا في الدرس السابق et donc en rentrant dans le درس d'aujourd'hui نعم قد مرت بنا عدة مسائل في الدروس السابق. Donc on a vu certains points dans les cours précédents. طيب عندي سؤال عند من. J'ai une question, c'est qui se voit capable de d'y répondre. انت يا ريان نخليك بعد انت صاحبي انت تعين اخوانك اذا ما يجيبوك اذا خلاص انت تمام. Si eux ne répondent pas, alors c'est toi le courageux. Tamam. Fi akharun ashja' min Rayan. Est-ce qu'il y a des gens plus courageux que Rayan dans la pièce ou là? Ou là c'est lui le batal aujourd'hui. Hein? Soual basita. As'ila basita. Yani c'est des questions simples. Ma fi yalla ya bahand. طيب المؤلف قال باب العناية بالمرأة المسلمة يعني لما كتب المسلمة فيها إشارة إلى ماذا tu vois quand il a dit ce chapitre l'intention de la femme musulmane portée pour العقيدة الصحيحة. طيب on a dit que le mot يعني la phrase al-mar'a al-muslima, il y a une indication sur quoi? Ça indique quoi ça, يعني cette phrase là? Al-mar'a inayat al-mar'a al-muslima. نعم نعم أحسنت نعم أحسنت. فهذا يشير إلى هذا أن العناية بالعقيدة لا تليق إلا بالمرأة المسلمة. أما الكافرة فهي في شارع وفي شؤونها لا تبالي بهذه الأمور بتاتا. صديق la femme autre que la femme musulmane elle n'a aucune attention portée sur ce genre de choses. C'est-à-dire l'apprentissage de l'aqidah al-sahiha. Et lorsqu'on dit l'aqidah al-sahiha, il y a une indication sur quoi, Isa? L'aqidah al-sahiha, alliti kana ala ala ma nahnu fiyan. N'am. N'am. Wa kathalika isharatun ila anna mada la yanbaghi laha ماذا العناية بالعقائد الباطلة. Donc il y a aussi une indication sur le fait que il ne lui convient pas à la femme musulmane d'avoir une quelconque attention portée sur les croyances erronées. نعم. يعني عقائد أهل الباطل. La croyance des gens du faux. نعم. طيب. مسألة. يعني مرت بنا عدة فوائد في مسألة ضرب الزوج لزوجته. طيب هل يجوز أولا ضرب الزوج لزوجته؟ تقول نعم لكن كيف تضربوها يعني كيف تضربوها طيب نعم ولا لا انا اقول نعم تقول نعم ايش الدليل ليس عندي هنا لكن من عنده الدليل حفاظ القران هارون انت بعدين ها من عنده الدليل شيخنا عيسى ها نعم نعم وبما ان تقوم من اموالهم نعم الصالحات نعم والله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن نعم احسنت جزاك الله خيرا الله يبارك فيك طيب وقلنا هذا الضرب على الاطلاق يعني جاز Donc le fait de mettre le fait de frapper que l'homme frappe sa femme est-ce que c'est, ça lui est permis يعني, d'une manière mutlaqan يعني générale ou là hein là كيف هناك شروط وهناك ايش طيب قبل كل شيء لا بد أن يمر بالترتيب الذي ذكره الذي ذكره الله في هذه الآية ويعني من ال يعني الوعظ النصح دابور il commence par le conseil ثم ماذا الهجر يهجرها على يعني من الفراش استزيغي سلوان دل أولي ثم بعدين إذا استمرت الحال واحتيج إلى ذلك فله أن يضربها طيب donc à partir de là il, si toutefois il a نصح et qu'elle continue sa transgression et qu'après il s'est éloigné d'elle au lit et qu'elle continue quand même enfin après il lui est permis cela طيب il lui est permis cela بشروط كم شروط كم شروط كم ها اثنين صاحبنا عثمان يقول اثنين من معه انت معه اي ريان معك ان شاء الله بتفوز طيب يا جعفر انت مع القوم ولا ها الشروط ذكرناها يعني الدرس السابق صح طيب ايش الشروط كم ذكرنا خمسة من يخرجها؟ ها؟ تفضل هات الذي عندك. نعم، نعم أكيد، لكن هذا يعني عام يعني ساسي. بلا شك هذا يدخل فيه لكن نحن ذكرنا أشياء أخص من ذلك. On a évoqué des choses un peu plus précises que ça. Parce que les choses qu'on a évoquées, toutes ces choses-là, ça rentre dans le ظلم. يعني en gros, c'est les choses à ne pas faire, sinon ça prouve qu'il y a du ظلم. عندك يا عبد الملك؟ نعم. الضرب لا تكون في الوجه. الضرب لا تكون في الوجه. كذلك الضرب لا تكون بشدة مبرح c'est-à-dire une frappe qui amène des blessures طيب وعندكم دليل ها عندك دليل طيب هاش هات الدليل على ضرب الوجه نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن حيدته نعم نهى عن الضرب في الوجه نعم ونعم طيب وضرب غير مبرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندك يا عيسى عندك الدليل ليس مزبوط يعني ايوه شو حديث دي لا سافونت دي لا la savante qui avait perdu une bête de... ايوه بس هذا يعني صح يدخل في هذا الباب لكن في الحديث هذا النهي عن الضرب مطلقا عرفت لكن هناك في حديث اخر ايوه le hadith نعم donc le prophète sallam a évoqué في حجة الوداع هذا الحديث que le prophète sallam a évoqué في حجة الوداع il a dit وضربوهن ضربا غير مبرح et si vous les frappez frappez-les d'un coup qui n'est pas dur نعم نعم طيب بقي الان ذكرنا اثنين بقي كم ايوه ثلاثه طيب من ياتي به ها عندك يا بهند البارسلتي نعم كل هذه الاشياء يعني شروط عند الضرب نعم Ne pas l'insulter bit taqbih. Ma ma'na taqbih, c'est-à-dire le fait de dire yani de l'enlaidir par la parole. Tu dis oh, t'es moche ou la nahwa hadhihi al-kalima, la yajuz. La yajuz. Wa rubbama man yani idha balagha al-had, yani rubbama an-nas yaquluna ashad. Na'am. Tayyib, baqiya? Hant ya Rayan. أو طيب Faut que ce soit pour arranger les choses et pas pour les empirer. C'est ça que tu voulais dire? Aywa, ahsant. Naam, ya'ni an takoun an-niyya fi islah al-khalal. Wa hadha muhim jiddan jiddan jiddan. Ya'ni li'anna ba'd an-nas yadribun intiqaman. Ya'ni certaines personnes ils peuvent frapper leur épouse de manière à se venger. Si elle a dit une mauvaise parole, si elle a dit une insulte, maintenant ou la kada, il va frapper pas pour islah hala, pas pour l'améliorer ou quoi, il va seulement la frapper pour par esprit de vengeance. Wa hada haramun. Et ça aussi, c'est interdit, na'am. Baqiya mala na'am. Dakarna kullaha wa la? Baqiya wahida. ايوه بقيه واحده ها ايوه احسنت اي lorsque elle arrête sa transgression la bud que il n'y ait plus de coup à ce moment-là نعم نعم فبهذا عرفنا عظام المساله هذه وان الشخص اذا كان ضاربا لزوجته فعليه ان يتوب عليه أن يتوب قبل أن يتداركه الله عز وجل. Et donc la personne, si toutefois elle commettait ce genre de péché, c'est-à-dire de frapper la femme, فعليه أن يتوب. Qu'il se repente à Allah عز وجل. فإن هذا ذنب عظيم. فإن هذا car ceci est un grand péché. نعم. وفي الحقيقة يعني على الزوجين أن يتقي الله عز وجل. Donc, et en réalité, il faut vraiment que les deux maris, les deux époux, ils fassent preuve dans leur vie conjugale de crainte d'Allah عز وجل. De manière que, même si on a dit que c'est légiféré, mais en vérité, l'insan, que ce soit l'homme ou la femme, il ne devrait pas arriver jusqu'à là. C'est-à-dire la femme, elle doit savoir sa limite, elle doit s'arrêter, yani, pour pas en arriver jusqu'à là. Et son époux, Kadalik, il doit essayer de faire tout ce qu'il est en sa possibilité pour ne pas arriver sur ce yani sur à cette à cette à ce degré là fa in al ma'ashat ma'asharati an nisa mabniya ala al ma'ruf car la la bonne entente et la bonne compagnie des femmes est basée sur quoi sur le bon comportement et la bonne entente na'am fa l'insan quand on dit ouais c'est comme quoi c'est permis ça veut pas dire que l'insan il doit aller jusqu'à ce à ce stade belle comme on l'a évoqué dans un dars précédent le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais arrivé jusqu'à là le prophète alayhi salatu wa sallam n'est jamais allé jusqu'à ce stade là avec ses femmes فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الله ويحب ماذا اتباعه فهذا هو سنته donc ceci est sa sunna فالإنسان لا يقول أنه سلفي يعني بمجرد الكلام la parole la la la la la la personne elle ne doit pas dire qu'elle est salafi juste avec une parole بل في باطنه وظاهره وفي جميع أحواله لا بد أن يتبع السنة يعني ندور حيث دار الدليل وإذا أخطأنا لأننا غير معصومين نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إلى جادة الصواب et si jamais يعني en empruntant يعني يعني on s'applique tout d'abord à pratiquer la sunna dans toutes les situations c'est-à-dire on n'est pas juste on se dit sunni ou salafi ou laquelle, juste sur la langue. Mais on s'applique à pratiquer la sunna dans toutes les situations. Et si toutefois, yani on tombe, on fait une erreur, on tombe dans un péché, مثل هذا, فنتوب إلى الله عز وجل ونرجع إلى جادة الصواب. C'est-à-dire, on revient dans le droit chemin, مباشرةً. نعم. Comme on va le voir parmi les fawaid de ce hadith, انظروا إلى تقوى هذا الشخص انظروا regardez observez la crainte de cette personne lorsqu'il est tombé dans ce péché et qu'il a vu que le prophète عليه الصلاة والسلام il s'est énervé contre lui قال يا رسول الله أفلا أعتقها c'est-à-dire quand il a tapé sa servante et qu'il a vu que le prophète عليه الصلاة والسلام il s'est énervé contre lui il a dit quoi il a dit oh prophète d'Allah est-ce que je peux l'affranchir c'est-à-dire pour me faire pardonner de ce que je lui ai fait d'une tape il est parti à l'affranchir نعم نعم طيب فهذا هو بالنسبة إلى هذه المسألة طيب هناك مسألة أخرى وهي لأخينا الفاضل ريان ضرب الأولاد هل يجوز؟ يعني ضرب الأم لولدها أو ضرب الوالد لوالده يعني est-ce qu'il est permis au père de frapper son fils et ou à la mère de frapper son fils لا تخاف قول الذي عندك ما في مشكله نعم نعم يجوز طيب اخونا ريان يقول يجوز من معه كلكم معشر الاباء على le groupe des pères Ils ont dit, il y a juste. Man indou dalil. Aïssa, mashallah. Kuntaqa, kitab. Al-salaf kanun yadribun al-falim ala Allah. Naam. Thabata dharika. Kama fi kitab al-tuhid. Li Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc, notre frère Aïssa, il évoque... que les ulema ont rapporté de nombreux athars sur le fait que les salafs frappaient leurs enfants lorsqu'ils commettaient des erreurs de grammaire, c'est-à-dire lorsqu'ils parlaient. طيب من عنده أدلة أقوى من ذلك؟ عمر رضي الله عنه ضرب أولاد يعني يلعبون في المسجد فضربهم بالضرة نعم عمر frappé des enfants qui jouaient dans la mosquée نعم ها حديث احسنت هات بالمعنى اهم شيء أن الحديث نضرب أولادنا نعم لم يريد يصلي نعم نعم نعم أحسنت يا يحيى حفظك الله. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة واضربوهن يعني بعد عشر يعني واضربوهم عليها في عشر سنين. نعم تمام. فكل هذه دلالة على أن ضرب الأولاد جائز لكن بشروط. ما هي هذه الشروط يا معشر الآباء؟ ها؟ للإصلاح وللإحسان. بمختصر نفس الكلام الذي مرت بنا في مسألة المرأة فهي نفس الشيء مع الأولاد. فبهذا تعرف أننا مقصرين جدا وأننا ربما نقع في ظلم في أولادنا ولا نشعر. ربما الواحد يقول أنا ما أضرب زوجته لكن ما تدري وهو يقع في ظلم مع الولد. عرفتم؟ لأن الولد لا يضرب. وكذلك من باب الفائدة فوق عشرة ضربة متواصلة مثلا le fait de taper aussi يعني من باب et ça c'est entre parenthèses une petite faïda يعني concernant le sujet le fait de frapper son enfant plus que 10 fois d'affilée c'est-à-dire par exemple tu vas lui mettre plus de 10 fessées hein فهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فيما معنى أنه لا يضرب فوق عشر لأن يعني فوق عشر هذا تدخل في الحدود يعني au-dessus de 10 là vous rentrez dans les peines de la législation. Par exemple celui qui a bu de l'alcool يضرب 40 جلدة وسلوي كفانيكي كذلك عنده 100 جلدة إن لم يكن محصن وغير ذلك. بعد عشر تدخل في شيء يعني حدود الله عز وجل. فكذلك الحذر من ذلك. أيوة حدود الله ما معناها؟ حدود الله لليميت الله عز وجل صديق لليميت كالله فيكسي à ces créatures et qu'il ne faut pas dépasser. نعم نعم. طيب فإذن هذه المسألة كما ترون مسألة خطيرة وكذلك يعني هذا متوجه أكثر إلى الأمهات أن الأولاد يحتاجون إلى رفق وأن الآباء هم الذين في الغالب يشدون على الأولاد. Et aussi, plus spécialement, on va dire ça plus spécialement pour les femmes, le fait que, normalement, c'est l'homme qui fait preuve de dureté avec les enfants. وَهَذَا مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إِلَى يَوْمِنَ هَذَا يعني في الغالب, normalement, c'est l'homme qui s'occupe du ta'dib, c'est-à-dire de frapper l'enfant. مَا أَمَّا الْمَرْأَةِ فالأحسن والأحوط والأفضل في حقها أن ترفق بولدها وأن يعني ترفع يدها بقدر المستطاع من ضربه et que elle essaie de retenir sa main sur autant qu'elle peut sur le fait de frapper son enfant. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء أركبنا الإبل أو خير النساء نساء قريش يعني البخاري صلى الله عليه وسلم يقول la meilleure des femmes sont les femmes de Quraysh. Et dans le même hadith il explique les caractéristiques de ces femmes et dedans il y a le fait que elles sont أحنا على الولد أحنا c'est-à-dire elles sont plus tendres envers l'enfant Bien sûr, les ulémas, certains, ils ont interprété cela que, en disant que c'est la femme qui a un enfant en bas âge. Et qui, tellement elle a de miséricorde pour cet enfant, lorsque son père est mort, elle ne s'est pas remariée jusqu'à ce que cet enfant grandisse. Donc elle n'a pas voulu se remarier par rapport à l'intérêt de son enfant. Et le sens de ce hadith, il est plus global encore. En gros, ça rentre la femme qui fait preuve de tendresse avec son enfant. Na'am. طيب. طيب ان شاء الله سناخذ بعد فوائد الحديث. نعم. طيب اذا من فوائد الحديث اي حديث عندك يا ابا هند؟ ايوه نعم حديث دو لا سيرمونت. نعم. وهو حديث رواه من؟ من روى هذا الحديث؟ البخاري؟ رواه مسلم. احسنت. نعم مسلم. طيب قال الشيخ العثيمين من فوائد هذا الحديث جواز استرعاء الغنم من الجارية أي الأنثى. Donc parmi les points tirés de ce hadith, le fait qu'il est permis à la femme d'aller faire paître un pâturage ou un troupeau dans un quelconque endroit. نعم. لأن الصحابي لما جاء وقال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد. J'avais une servante qui allait faire paître mon bétail ou mes troupeaux du côté de Uhud. Ceci montre la permission qu'une femme peut aller faire paître, même si elle est toute seule, un troupeau, يعني quelconque. نعم. طيب. قال ولكن هذا مشروط بما إذا لم نخشى عليها فإن خشينا عليها وجب منعها. Mais ceci est limité au fait que on ne craint rien pour elle. C'est-à-dire, si on craint pour elle un quelconque tort, فلا. فلهذا يعني كذلك من باب الفائدة سئل الشيخ يحيى عن المرأة التي تذهب إلى السوق هل تذهب بنفسها أو لا بد من يراعيها من أقاربها. La femme qui part au marché, est-ce que elle peut partir toute seule ou est-ce que elle doit être accompagnée de son mahram? Cheikh Yahya أفتى بأنها إن أمن من الفتنة إن أمنت من الفتنة فلها ذلك ولكن إذا خشينا نعرف أن هذا السوق يعني يأتيها الفجار ويعني ماذا الشريرين فلا يجوز ذلك. Donc le Cheikh Yahya il a dit que si toutefois on pense qu'elle est en sécurité dans ce marché, falabas. Mais si toutefois on sait que ce marché il est fréquenté par des personnes mauvaises, des personnes de mauvais comportement ou autre, alors là, il ne nous est pas permis de la laisser toute seule. Naam. Falhadar alhadar min dalika. Naam. طيب قال نعم فائدة أخرى وأن معاوية عفى الله عنه صكها صكة وكلمة صكة يعني أنها قوية ضربها بيده مبسوطة من شدة الغضب ولهذا يقول فعظم ذلك علي. نعم. Et donc on prend aussi de ce hadith que le compagnon, il a vraiment frappé sa servante avec une force terrible. Naam. Parce qu'il a répété, il a dit Lakinni sakkaytuha sakkatan. Voilà, tawkid. Yani, je l'ai frappé, mais d'une frappe. C'est-à-dire, yani, vraiment, yani, il l'a frappé d'une manière très dure. Et c'est pourquoi, après, il dit Fa'ataytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'azzama dhalika alayhi. Je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai expliqué cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam azzama hadha. C'est-à-dire, il a rendu grand cette chose, cet événement. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait quelque chose de très grave. Naam. فائدة أخرى أنه لا يشرع عتق غير عتق نعم عتق غير المؤمن وهذا في نظر طيب شيخ العثيمين يديكم comme quoi on prend ce hadith qu'il n'est pas permis d'affranchir une autre servante يعني une servante ou un servant qui n'est pas croyant. Puisque le prophète, il a dit « I'tiqha fa innaha mu'mina » Affranchis-la car elle est croyante. Et avant cela, ce compagnon lui a demandé « Est-ce que je l'affranchis ?» Le prophète, il a dit « Attends !» Lorsqu'il lui a posé les questions, il lui a dit « Affranchis-la car elle est croyante. » Mais « Allahu a'lam yahtaj an nandhur fi al-mas'ala hadi lianna alladhi fi dhi'ni anna al-ijma' ala jawaz 'itq al-kafir min al Naam. Et donc, faut qu'on regarde un peu plus cette mas'ala, car je pense que l'unanimité des savants est de l'avis qu'il est permis d'affranchir même un serviteur qui n'est pas croyant. Inch'Allah, on va revoir la mas'ala, Inch'Allah. Taïd. Faïdatun ukhra, jawaz al-istifham bi'ayn. مضافا الى الله عز وجل بقوله اين الله نعم parce que certaines personnes من اهل البدع يزعمون ان هذه مثل هذه الاسئله حرام le fait de demander où est Allah عز وجل يعني on voit que c'est une chose qui est permis c'est une chose qui est permise et ce n'est pas blâmable comme l'ont prétendu certaines personnes parmi les gens de l'innovation. نعم. وكذلك من الفوائد إثبات علو الله عز وجل. Et parmi aussi les فوائد de ce hadith, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve aux cieux. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إن الله مع الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les patients. Taïb. Donc si Allah il est avec les patients, comment en même temps toi tu es sur la terre, on va dire toi tu fais partie des patients. Comment Allah il est avec toi et en même temps huwa fi sama. Naam, naam. Hada yuhfaz. Hada yuhfaz. سنسألكم عن هذا. Donc ce que vient de dire notre frère Yahya, c'est une chose qu'il faut retenir, mémoriser. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du arche, c'est-à-dire son être est au-dessus du arche. Mais lui, c'est-à-dire de par sa science, de par sa force, de par sa izza, huwa fi kulli makan. En gros, sa puissance et sa force, elle atteint tout endroit. Il n'y a pas un coin de l'univers qui échappe à sa science, à sa connaissance et qui échappe aussi à sa capacité et sa puissance. Naam. Naam, ahsant ya Yahya. Tayyib. Wa kadhalik. An al-ityan bima yadullu qala Sheikh al-Uthaymeen fa'idatun ukhra an al-ityan bima yadullu ala ash-shahadatayn kafin wa in lam yantaq bish-shahada. Cheikh Al-Uthaymeen dit que le fait de dire une chose qui sous-entend les deux shahadas, eh ben c'est suffisant. Il a pris ça d'où ? Cheikh Al-Uthaymeen il dit que le fait de dire une chose qui sous-entend les deux attestations de foi, qui sont « La ilaha illallah » ou « Anna Muhammad Rasulullah », ça suffit. Il a pris ça d'où ? Dans le hadith. Dans le hadith, oui. « Aïna Allah, fissama »« Naam »« Qui suis-je »« Anta Rasulullah »« Anta Rasulullah, naam »« Faqal, i'tikha, innaha mu'mina »« Naam »« Naam » طيب ولكن يعني هذا الكلام نحن نعلق عليه بمعنى on a note sur cette parole là comme quoi c'est pas معنى on dit voilà celui qui dit qu'Allah il est في السماء et que le prophète ou que Mohammed c'est bel et bien le prophète خلاص il a pas à faire la shahada il a pas يعني كل هذه الأعمال الأخرى يعني ما يحتاج إليه حتى نثبت أنه مؤمن. Non. Vous avez compris ça? Ça ne veut pas dire que la personne elle va dire ça. Après on va dire ça y est lui c'est un croyant. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. Le prophète صلى الله عليه وسلم il est aidé par le وحي. Lorsqu'il dit اعتقها إنها مؤمنة. Il n'a pas dit « اعتقها إنها مسلمة ». Il a dit « اعتقها إنها مؤمنة ». طيب. ومؤمنة تشمل الإسلام وتشمل الإيمان. والإيمان أمورها يعني ظاهرة أم باطنة. Et la foi. C'est des affaires qui sont apparentes ou des affaires qui sont intérieures. Intérieures. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا. يتكلم ب تأييد الوحي il parle avec l'aide de la révélation tandis que nous si quelqu'un vient et nous dit ça alhamdulillah c'est une bonne chose يعني c'est du khair لكن on lui dit que هذا يستلزم ان تأتي بالأشياء الأخرى ce que tu prétends maintenant ça implique que tu viennes avec les autres piliers de l'islam نعم نعم طيب قال يؤخذ من قولها في السماء يعني أن الإتيان بما يدل على شهادتين كاف وإن لم ينطق بالشهادة يؤخذ من قولها في السماء وقولها أنت رسول الله دون أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وحكم بأنها مؤمنة نعم طيب نعم فائدة أخرى قال الشيخ العثيمين أن كل ما يدل أو كل ما دل على المعنى حكم له بمقتضى ذلك المعنى الذي يدل عليه يؤخذ من قولنا إنه يكتفى نعم طبعا هذه Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il veut expliquer que celui qui va dire une parole, nous, on va prendre le sens de cette parole-là, hein, on va prendre le sens de cette parole-là pour appliquer ce qui, comment dire, ce que cette parole, elle sous-entend. طيب, الآن, واحد, il veut se marier. Tamam, le acte de mariage, La personne, elle demande au wali de la femme, je veux marier ta fille ou la chez Mindalek. Il n'y a pas, en gros, il n'y a pas une chose yani, qu'on doit dire spécialement. Du moment que la parole que tu vas dire, c'est son contenu, il est compris. Khalas, yuktafa bidalek. Ça, c'est pris d'où ? D'où il a pris ça, Cheikh Al-Uthaymeen ? Ce hukm, le fait de prendre la parole avec ce qu'elle implique. Voilà, ce même hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris comme quoi elle a dit qu'Allah fit sama et que le prophète, que Mohammed, c'est son messager. Il a pris ce hadith-là Comme quoi, khalas, le prophète, il a dit qu'elle était mu'mina alors qu'elle n'a pas dit la shahadatayn. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle vient de dire, ça sous-entend la shahadatayn. Toi, là, quand tu vas te marier, tu ne vas pas dire forcément « Aqadtu bi bintik » مثلاً bil arabiya ou « shay min dalak ». Mais si tu le dis en français ou si tu le dis d'une manière autre, je demande ta fille en mariage, je demande la main de ta fille, je viens pour épouser ta fille. C'est des paroles qui sont différentes, mais le sens, il est « wahid ». Mafhoum ? Donc, yani, le jugement est le même. Comme là, la parole, elle a dit comme quoi Allah fit sama et que le prophète sallam est son messager, c'était le même jugement que lorsqu'elle disait, elle a dit « shahadatayn ». مفهوم؟ نعم. هذه كذلك من الفوائد. نعم. فهذه فوائد التي ذكرنا من الشيخ العثيمين. وإضافة على ذلك، أرجو أسيف فوائد. يعني بعض الفوائد الأخرى منها عظام عناية الشرع بدفاع عن المرأة المظلومة. Et on prend ce hadith, l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour défendre la femme opprimée. Andoro, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, « Ida ghadiba fi shay'in, fa anna Allah subhanahu wa ta'ala, yani aghyar min. » Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerve sur une chose, c'est qu'Allah il est encore plus énervé. Naam. Fa fi hadha al-hadith, عظام العناية عناية الشرع c'est-à-dire l'importance qu'Allah porte sur le fait de défendre la femme opprimée وأن الإسلام يقوم في جانب المرأة وفي مصلحتها et aussi que l'islam يعني s'établit dans les intérêts de la femme l'islam hein s'établit dans les intérêts de la femme. Naam. Et وهذا بخلاف ما يزعم بعض أعداء الإسلام. Et ça c'est contrairement à ce que peuvent prétendre les ennemis de l'islam. Comme quoi l'islam ça rabaisse la femme, c'est une religion qui rabaisse la femme. كلا والله. بل l'islam c'est vraiment cette religion là qui a élevé la femme. لكن بسبب كثرة الجهل في المجتمعات فأصبحت النظرة في أهل الإسلام غير ما كانت في يعني الأيام الماضية. Donc à cause de l'ignorance qui s'est propagée dans les communautés, surtout les communautés islamiques, aujourd'hui tu vois que les gens ils ont du mal à assimiler que l'islam est venu pour yani, améliorer les conditions de la femme. Et ce n'est pas ce que peuvent prétendre les gens du faux en disant que, soi-disant, c'est eux qui veillent sur les droits de la femme. Kalla wallah. Yani, hada ad-din huwa alladhi rafa'at al-mar'a. Hal tajidun fi ghayr hada al-Qur'an surah kamila wa ismuha al-nisa? وكم من احكام نزلت في النساء كم combien de règles sont descendues dans le Coran et dans la Sunna juste pour les femmes combien d'interdictions Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre sur les hommes dans les intérêts et allant dans les intérêts de la femme combien yani c'est presque indénombrable فهذا يدل على ان هذا الدين كامل. Ça montre vraiment que cette religion elle est كامل. وهي من آيات هذا الدين. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن يعني النساء والرجال وماذا والفقير والغني والأبيض والأسود. يعني ما ترك شيئا. يعني كل شيء مذكور في القرآن وفي السنة. فهذا من أدلة. الباهرة على أن هذا الدين متكامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc c'est vraiment une preuve aussi que cette religion est vraiment parfaite et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a parachevé. Na'am. طيب وكذلك مما نستفيد ان الشخص مهما كبر فضله قد يقع في بعض المحظورات او بعض محظورات الله عز وجل عن غضب او غيره. Et donc la personne, peu importe son degré et peu importe son mérite, il se peut que il tombe dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. وهذا درس عظيم. الشخص ما يقول انا ما ادرب زوجتي وانا ما ويفتخر. لا, لابد ان يكون حاذرا لان الشيطان في اي لحظه يستدركه. C'est pourquoi la personne, il ne faut pas qu'elle se vante. Elle se dit, alors moi, je n'ai jamais frappé ma femme et moi, je ne la frapperai jamais. L'insan, yakoun hadiran. Bel, au contraire, si ça s'est arrivé à des sahabi, nahnu ayn min as-sahab. Nahnu ayn. As-salaf kanu yakouloun, as-suhba la tu'dilhu shay. Wa fi'lan. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il les a choisis pour avoir vu le prophète, ça c'est une chose qui n'a aucun ego, qui n'a pas d'égal dans le mérite d'une personne. Celui qui a vu le prophète, il sera toujours meilleur. Celui qui a vu le prophète et qui est mort en croyant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un compagnon. Et cette personne-là, elle sera toujours meilleure que jami' al-nas ba'dahum. Elle sera toujours meilleure que les autres. Et malgré ça, tajid anna hada waqa'a fi hada. Wa fi hadith dhukira an Thabit ibn Qais. Oh, na'am. أو أحد الصحابة الآخرون نسيت اسمه بالضبط ذكر أنه ضرب زوجته أو يعني شيء من ذلك وهذه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي et donc un autre compagnon il a été évoqué comme quoi il avait frappé sa femme et elle vient se plaindre au prophète صلى الله عليه وسلم de lui. Elle dit je ne lui reproche rien dans sa religion mais je ne peux plus rester avec lui. Et dans certaines versions du hadith, elle précise qu'elle avait les mains cassées, les bras cassés. هذا ضرب مبرح ولا غير مبرح. Ça c'est مبرح حرام. ومع هذا فنحن نقول هذه اخطاء. هذه الاخطاء نسال الله ان يغفر لهم. فانهم قد قدموا للاسلام ما لم يقدم غيرهم. Et eux, c'est des gens que même s'ils ont pu à certains moments faire des erreurs, leurs erreurs elles resteront toujours minimes comparé aux erreurs de tous ceux qui vont venir après eux. Et ils ont œuvré pour l'islam comme personne n'œuvrera jamais après eux. Et il n'y a pas quelqu'un qui croit en Allah Azza wa Jal sans que les hasanat leur reviennent. Parce que c'est eux qui ont propagé cette religion. Na'am. Fahaula sahabatu rasulillah. Sahabatu rasulillah. Wa ma'a dhalika hasala fihim ma hasal min al-akhta wa al-zalal. فالشخص في هذه الأزمنة ما يفتخر بنفسه بل يسأل الله عز وجل أن يحفظه ويكون خاشعا et il doit craindre Allah عز وجل et lui demander qu'il le protège de tomber dans ce genre de choses. وإن شاء الله إذا خاف الوقوع في هذا الجانب الله سبحانه وتعالى سيحفظه. Et si il craint, si la personne elle craint fermement de tomber dans une telle chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il la protégera. Mais si la personne, elle se sent à l'abri de tomber dans une chose comme ça, c'est là que la protection d'Allah disparaît. Na'am. طيب, مما نستفيد كذلك سرعة الرجوع أو سرعة رجوع الصحابي إلى الحق وبيان ندامته على ما فعل. Donc on voit aussi la rapidité du compagnon, la rapidité du compagnon à revenir sur la vérité. C'est-à-dire dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait montrer qu'il a fait un geste ou une œuvre grave, faqala ya rasulullah afala u'tiqha, ô prophète d'Allah, pourquoi est-ce que je peux la franchir? Et ça montre le shiddat nadam, et ça montre le grand regret qu'il avait d'avoir fait cette œuvre-là. فالإنسان إذا بين له الحق لا يجلس ويقول خلاص ما فعل. لا, يتوب إلى الله ويصلح ما أفسد. Donc la personne, lorsqu'il fait un tort, il se repent à Allah et en même temps, il améliore ce qu'il a perverti. Naam. طيب ومما نستفيد من الحديث الحذر من مظلمة المرأة وغيرها وأن الإنسان لا يغتر بنفسه كما تقدم. Donc le fait de faire très attention à ne pas tomber dans le fait de faire une quelconque injustice à la femme et à autres. قال الله سبحانه وتعالى إني حرمت ظلما على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, je me suis interdit à moi-même l'injustice, donc je vous l'interdis à vous-même. Ne faites pas preuve d'injustice. Na'am. Donc on استفيد من هذا الحديث هذه الفوائد الجمة وننصح يعني أنفسنا وإخواننا بالعمل بما ذكرنا. Donc on conseille يعني pour terminer ce درس à tout le monde de mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Comme on s'est basé à la base يعني comme on l'a expliqué le premier درس, que cette science là tout ce qu'on vient de voir c'est pour le amal bih, c'est pour qu'on le mette en pratique. فنسأل الله أن يوفقنا ونختم بحديث مر بنا في صحيح مسلم من الأشج ابن قيس أو ابن عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك خصلتان يحبهما الله. On termine sur un hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم du prophète un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à Ashad, c'est un compagnon, il lui dit que tu possèdes deux qualités que Allah il aime. Man ya'ti bihima. Ah, fi nas kathir al-yawm. طيب, ha عندك يا اسماعيل. نعم, الأنا والحلم. وقلنا ما معنى الحلم؟ ها؟ ها؟ الذي لا يستعجل ويبشر يعني. أيوة. من يساعده؟ شو كيف بدنا نكون مع نتخي عيسى؟ ها؟ نعم أحسنت يا بهند. لفي الحلم la douceur c'est يعني en arabe c'est encore plus que ça, c'est de la douceur mais كذلك accompagné du fait de ne pas se précipiter à châtier lorsqu'on nous fait du tort. Du fait de ne pas se précipiter à châtier lorsqu'on nous fait du tort. Et l'ana? Et l'ana c'est quoi? Naam. Ne pas se précipiter à juger sur une chose. Enfin, si on œuvre avec ce hadith simplement, Inch'Allah, ما سنقع في هذه المحظورات. Donc, le fait de. يعني, si on œuvre avec ce hadith, Inch'Allah, بتوفيق الله عز وجل, on ne tombera pas dans ces interdits qu'on vient de citer précédemment. وإلى هنا وسبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Ouais.